Chapitre 6. La griffe du lion. Vers 11h30 du soir, Marcel Leguet et Léon Sauvage se préparèrent à redescendre dans les souterrains. « Où est donc mon manuscrit ? » s'écria tout à coup Leguet. « Je l'avais déposé dans ma valise, il a disparu ainsi que la traduction. »« Ne l'aurais-tu pas perdu ?»« Non, ce matin même il était encore dans ma valise. » Les deux jeunes gens cherchèrent le précieux parchemin sans le découvrir. « Aucun doute n'est possible, dit Leguet. Je suis un cambrioleur cambriolé. Ces pièces ont été volées. Par qui ? Qui en connaissait l'existence ? Qui avait intérêt à s'en emparer ? C'est là un mystère qu'il faudra éclaircir. Pour l'instant, nous n'avons pas de temps à perdre. Descendons dans les souterrains. Je me souviens assez des indications contenues dans le manuscrit pour me guider. » Les deux compagnons reprirent le chemin des souterrains et arrivèrent devant la porte de fer. Comme la veille, ils limèrent les larges barreaux. Leur nouvelle lime faisait merveille. Après une demi-heure de travail, deux barreaux tombèrent pour livrer passage aux jeunes gens. Ceux-ci s'engagèrent dans le couloir. « Nous devons prendre, d'après le manuscrit, la troisième galerie à gauche, après avoir franchi la porte de fer. » Ils comptèrent deux galeries. Enfin, la troisième leur apparut et ils s'y engagèrent. Un silence sépulcral régnait sous ces voûtes humides. Leguet marchait le premier, s'éclairant de sa lampe électrique. Soudain, il s'arrêta. Devant une voûte, il venait d'apercevoir une silhouette humaine enveloppée dans un manteau noir. « Le moine mystérieux !» s'écria Sauvage. Au même instant, l'inconnu éleva le bras. Une double détonation retentit. Leguet entendit une balle siffler à son oreille et éteignit sa lampe électrique. « Es-tu armé ? » demanda-t-il à son compagnon. « Non. Malédiction, nous avons omis de nous munir d'armes. Battons prudemment en retraite, notre adversaire a trop d'avantages sur nous. » Les jeunes gens se retirèrent précipitamment, sortirent du souterrain et rentrèrent dans leurs appartements. Ils cherchèrent leurs revolvers, toutes leurs armes avaient disparu. Non seulement on nous a volé le manuscrit, mais on nous a désarmés, gronda Leguet. Nous avons à combattre un ennemi adroit et prévoyant. Il faudra ouvrir l'œil. Que faire ? Attendre demain. Nous achèterons de nouveaux revolvers pour pouvoir lutter à armes égales. Ce retard peut nous être préjudiciable. Hélas ! Et les deux amis se séparèrent et se mirent au lit en maugréant. Le lendemain matin, ils se levèrent très tôt. Louis de Beaulieu les attendait déjà. Les trois jeunes gens se mirent à table et passèrent la matinée à se promener dans le parc et les bois environnants. Ils arrivèrent ainsi devant une petite chapelle isolée. « C'est l'ancienne chapelle du château, dit le comte de Beaulieu. Elle est assez curieuse. Je vais vous la faire voir. » Il tira une clé de sa poche et ouvrit le portail. L'intérieur était somptueux. Louis de Beaulieu fit admirer à ses compagnons les beaux vitraux et des statues dues aux ciseaux de sculpteurs de talent. Leguet s'arrêta devant un Saint-Michel terrassant le dragon, dont les proportions étaient énormes. La statue était en bronze et en cuivre. L'archange apparaissait dans une attitude altière et, de sa lance suspendue, menaçait la gueule du démon. Sur le socle était écrite en caractère doré cette phrase énigmatique « Lorsque de Saint-Michel la lance tombera, justice se fera. » Leguet demanda la signification de ces mots au comte de Beaulieu. Celui-ci répondit qu'il l'ignorait. Cette statue avait été commandée par feu son père, quelques mois avant sa mort, à un artiste de renom. Les trois jeunes gens sortirent de la chapelle et rentrèrent au château. Ils allaient se mettre à table lorsqu'un domestique annonça l'arrivée d'un étranger qui disait être le chevalier Gaston Terrailles de Bayard d'Arsac, comte de Savignac. Ce fut un coup de foudre. Marcel Leguet blêmit. « Quelle est cette plaisanterie de mauvais goût ?» Le comte de Beaulieu était très perplexe. C'est sans doute, continuait Marcel Leguet, quelque aventurier qui aura pris mes titres et ma physionomie. C'était l'avis du comte de Beaulieu qui se disposait à éconduire le nouveau venu lorsque des jurons d'apparat résonnèrent dans le couloir. Mordius, sans dius, capé des dius, rugissait une voix. Ne vous ai-je pas dit, maroufle, d'annoncer au comte de Beaulieu le chevalier d'Arsac son ami? C'était à s'y méprendre, la voix de Leguet et aussi celle du comte de Beaulieu. Celui-ci avait été élevé en Gascogne et en avait gardé l'accent. Par les cornes du diable, continua la voix impérative dans le corridor, je suis un homme dans le genre de Louis XIV, je n'aime pas attendre. Qu'on avertisse le comte de Beaulieu de ma venue. Je vais éconduire cet importun, dit Louis de Beaulieu en se levant. Mais à ce moment, une silhouette conquérante apparut dans l'entrebâillement de la porte. C'était celle du véritable chevalier d'Arsac. Le nouvel arrivant aperçut le comte de Beaulieu et s'avança vers lui, les mains tendues. Le maître de Séan gardait une attitude réservée et froide. « Sans Dios !» s'écria le chevalier d'Arsac. « Vous ne me reconnaissez donc pas, mon cher comte ?»« Mais, monsieur, dit Louis de Beaulieu, je ne sais vraiment qui vous êtes. »« Qui je suis ? Par les cornes du diable, il n'y a qu'un chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac. » À ce moment, Marcel Leguet se leva, décidé à brûler ses vaisseaux, et s'avança vers le chevalier d'Arsac, lui disant « Pardon, monsieur, vous l'avez dit, il n'y a qu'un chevalier d'Arsac, c'est moi. » Le nouvel arrivant aperçut alors le gentilhomme cambrioleur. Il sursauta et lança à son interlocuteur un regard foudroyant. « Quelle est cette imitation indigne de l'original ? » rugit-il. « Quelle est cette mauvaise copie d'un chef-d'œuvre ? Sachez, monsieur, que je ne permets à personne de me ressembler si ce n'est au comte de Beaulieu. » Mais Marcel Leguet avait brûlé ses vaisseaux. À aucun prix, il ne voulait reculer. Le moindre mouvement de retraite eût été une défaite. Ce fut alors une scène pathétique et comique au plus haut point. Rien n'était plus curieux que le spectacle de ces deux hommes qui se ressemblaient d'une façon étonnante et semblaient s'imiter mutuellement dans leurs gestes, leurs attitudes et leurs paroles. Les Mordius, les Sandius, les Capédédius s'entrechoquaient avec un bruit de tonnerre. Et le comte de Beaulieu assistait, ahuri et perplexe, à cette scène inattendue. Les deux rivaux ayant changé de place, au cours de leur discussion, ils ne discernaient plus son ancien hôte du nouveau. Marcel Leguet était blême, le chevalier d'Arsac était écarlate. Ces deux teintes seules eussent permis à un esprit calme de les différencier. Le gentilhomme cambrioleur attestait son authenticité en la basant sur le témoignage de son ami, le vicomte de Sauvant. Quant au chevalier d'Arsac, il prenait à témoin tous les héros de Gascogne d'autre part. La scène eût duré longtemps si un éclair de génie, une idée lumineuse, n'eût traversé l'esprit du véritable d'Arsac. Le Gascon avait eu l'œil attiré par une panoplie dont les armes étincelaient joyeusement dans un rayon de soleil. De même qu'Achille se révéla à la vue d'un glaive, l'âme du chevalier s'éveilla sous l'éclair d'une épée. Il courut à la panoplie et en décrocha deux longues rapières qui dataient du temps de la Fronde. « Ah ah ! » s'écria-t-il triomphant. « Nous allons voir où est le chevalier d'Arsac, le plus habile escrimeur du continent, le plus vaillant chevalier de ce siècle de pacotille. Armez-vous, monsieur mon imitateur, et révélez-nous les talents du chevalier d'Arsac. C'est à la griffe, monsieur, qu'on reconnaît le lion. » Et le Gascon planta dans la main de son interlocuteur le pommeau d'une rapière. Malgré lui, Leguet se vit armé. L'épée, au lieu de rehausser son courage, d'aiguiser son ardeur, produisit un effet tout opposé. Le malheureux se sentit faiblir. Il savait, certes, se servir d'un revolver, mais en fait d'arme blanche, il ne connaissait que le maniement du couteau de cuisine. Il comprit qu'il était perdu et qu'il ne lui restait de salut que dans la fuite. Déjà, la rapière du chevalier d'Arsac voltigeait, menaçante, autour de son nez. Il voyait étinceler mille éclairs devant ses yeux. La porte était restée ouverte. Il mesura la distance qui le séparait du seuil et, soudain, recouvrant toute une énergie latente, il bondit et disparut comme un lièvre. Hé, mon ami, s'écriait le pseudo-vicomte de Sauvran, qui se voyait abandonné dans une misérable position. Hé, mon cher ami, où allez-vous? Vous trouvez-vous mal? Et Sauvage s'élança dans le but apparent de retenir son malheureux compagnon, atteint de démence soudaine. Il en profite pour le suivre et pour disparaître à son tour. Le chevalier d'Arsac haussa les épaules, alla raccrocher soigneusement les rapières à la panoplie, puis il se dirigea vers Louis de Beaulieu en s'écriant « Hé, Mordius, mon cher comte, reconnaissez-vous maintenant le chevalier d'Arsac ?»« Pardi, dit Louis de Beaulieu légèrement confus. Vous l'avez dit, mon cher ami, il n'y aura jamais qu'un chevalier d'Arsac. » Et les deux jeunes gens tombèrent dans les bras l'un de l'autre.